The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Public holiday. Le jour férié. Even. Même. To find it difficult to. Avoir du mal à. Something. Quelque chose. Similar. Pareil. Luckily. Heureusement. To invite. Inviter. To spend. Passer. At your place. Chez toi. Now, a bit faster. Even. Même. To spend. Passer. To find it difficult to. Avoir du mal à. Something. Quelque chose. Public holiday. Le jour férié. Luckily. Heureusement. To invite. Inviter. At your place. Chez toi. Similar. Pareil. Now, use the words in context. Avoir du mal à. He has trouble concentrating. Il a du mal à se concentrer. Avoir du mal à. I have some difficulty falling asleep these days. J'ai du mal à m'endormir ces temps-ci. Avoir du mal à. Did you have any trouble finding the street? Tu as eu du mal à trouver la rue? Pareil. It's always the same. You never agree. C'est toujours pareil. Tu n'es jamais d'accord. Pareil. These two models are not similar. Ces deux modèles ne sont pas pareils. Pareil. They are identical twins. They're exactly the same. Invité. I've invited my friends for dinner. J'ai invité mes amis à dîner. Invité. He's never invited me. Il ne m'a jamais invité. Invité. Do you really want to invite her? Tu veux vraiment l'inviter? Passer. We've just spent 2 weeks at the sea. Nous venons de passer 2 semaines à la mer. Passer. I don't want to spend the rest of the summer at home. Je ne veux pas passer le reste de l'été chez moi. Passer. Every year, I spend my vacation in Nice. Chaque année, je passe mes vacances à Nice. Heureusement. Luckily, you found that job. Heureusement que tu as trouvé ce travail. Heureusement. Luckily, I didn't forget the keys. Heureusement que je n'ai pas oublié les clés. Heureusement. Luckily, you didn't leave without us. Heureusement que vous n'êtes pas partis sans nous.